Alors en chinois, le mot aussi ou également se dit Yé, yé, veihu shi de la victoire, yé. Ouais, c'est comme le yé de la génération yé yé. Yé. Et maintenant, comment direz-vous, il est aussi très occupé. Il. Ta. Aussi. Yé. Très. Rien. Occupé. Mang. Ta yé han mang. Et maintenant, dites-moi, es-tu aussi très occupé? Alors, tu. Ni. Aussi. Yé. Très. Hen. Occupé. Mang. Et le mot interrogatif? Ma. Ni. Yé. Hen. Mang. Ma. Et comment dites-vous occupé? Mang. Oui, c'est mang avec un doigt bleu levé et la phrase entière sera Ni yé han mang ma. Donc nous venons d'entendre Es-tu aussi très occupé? Alors comment diriez-vous maintenant Es-tu occupé? Tu? Ni. Occupé. Ha. Quel est le mot pour occuper? Mang. Et l'interrogatif? Ma. Ni. Mang. Ma. En vous souvenant de la règle des deux syllabes, dites-moi je suis occupé. Je. Wo. Le petit mot vide. Hen. Occupé. Mang. Wo. Han, mang. Et comment diriez-vous, qu'en est-il d'elle, autrement dit, et elle? Ta ne. Ta ne. Et maintenant, comment dites-vous, oh, elle est aussi occupée. Elle est occupée également. Oh, se dit d'ailleurs de la même façon qu'en français, hein, certaines choses sont universelles. Oh. Oh. La prononciation et le ton sont parfaits. Elle. Ta. Aussi. Yé. Le mot vide. Hen. Occupé. Mang. Comment dites-vous occupé? Mang. C'est ça. Mang. Doigt bleu levé, ce qui donne. Oh. Ta yé han mang. Maintenant, comment dire sont-ils très occupés? Alors, ils au pluriel. Ta men. Très. Han. Occupé. Mang. Le mot interrogatif. Ma. Et comment avez-vous dit occupé? Mang. Oui, c'est bien. Mang, avec un doigt bleu levé, et la phrase entière est Ta men han mang ma. Un, qu'est-ce que vous dites, hein? Répétez après moi. Un. Un. Et comment dites-vous occupé? Mang, merci. Alors, comment dire elles sont aussi occupées? Elles au pluriel. Ta men. Aussi. Yé. Alors, qu'allez-vous faire de la règle des deux syllabes quand vous direz « elles sont occupées, elles sont aussi occupées » hein, vous avez dit « elles aussi » et maintenant, comment allez-vous dire « occupées » pour « elles sont occupées » ? Hen, mang. Oui, c'est ça. Comment dit-on « il » ou « elle » au singulier ? Ta. Et comment dit-on « il » ou « elle » au pluriel ? Ta men. 他们也很忙。 Alors, comment dit-on « nous ne sommes pas occupés » ? Nous ? 我们 Ne pas ? Pou Occupé. 忙 我们不忙。 Alors maintenant, on va dire « ils sont très occupés » en mettant l'accent sur le « très ». Nous voulons expliquer ô combien ils sont occupés. Alors, « ils » au pluriel. « 他们 » Très. « 很 » Occupés. « 忙 » 他们很忙。 Alors, comment dire ? Il est occupé, mais il ne va pas très bien. Alors, il. Ta. Le mot vide, occupé. Hen, man. Mais. He, shi. Comment dites-vous mais ? Rappelez-vous qu'on parle de la queue de cheval de l'institutrice. Ah oui, pas he, mais que, shi. Alors, il ne va pas très bien. Il ne pas. Ta bu. Très. Hen. Bien. Hao. Ta hen mang. Ke shi ta bu hen hao. Alors, maintenant, dites-moi, toi et moi sommes aussi très occupés. Alors d'abord, toi ou tu. Ni. Et. He. Moi ou je. Wo. Aussi. Ye. Très occupé. Hen mang. Ni he wo ye hen mang.